Sophocle est un des plus grands dramaturges grecs. Il vécut à Athènes au 5e siècle avant notre ère. J'ai connu à Athènes le philosophe Pérégrinus. C'était un de ces hommes aux mœurs graves, à l'âme constante. Il habitait une chaumière hors des murs d'Athènes. J'allais souvent le visiter, car ses entretiens étaient pleins de noblesse et d'utilité. Mais ce que j'ai recueilli le plus remarquable de sa bouche, le voici. Il disait que le sage ne pécherait pas, même avec la certitude que sa faute serait ignorée des hommes et des dieux. L'homme, selon lui, devait être retenu non par la crainte du châtiment ou de l'infamie, mais par l'amour du juste et de l'honnête, par le sentiment du devoir. Les hommes, ajoutait-il, qui n'ont pas reçu tel principe, soit de la nature, soit de l'éducation, et qui n'ont pas assez d'empire sur eux-mêmes pour s'abstenir du mal, seront tous enclins à pécher lorsqu'ils pourront espérer le secret et l'impunité. Mais si les hommes savaient que rien ne peut rester longtemps caché, ils seraient alors détournés du mal par la honte. Aussi, le philosophe pensait qu'il faudrait sans cesse avoir à la bouche ces vers de Sophocle, le plus sage des poètes. Ainsi, ne cache rien, car le temps qui voit tout et entend tout, révèle tout. Un autre poète ancien, dont le nom m'échappe en ce moment, a dit que « la vérité est fille du temps ».